Chapitre 12e. Après avoir pique-niqué sur la table de la cuisine, Volpi et Michaud reprirent leur disposition pour se radasser comme la veille, chacun sur sa couche. Juste pour se relaxer, et il fallait qu'ils se parlent pour ne pas s'endormir. Ce fut Volpi qui attaqua le premier. « Dis-moi, Serge, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te souvenir de choses que tu n'as pas vécues, qui n'ont rien à voir avec ton passé, comme si tu les avais rêvées ?»« Oui, une ou deux fois. » C'est extrêmement pénible. On a l'impression de mélanger la réalité et le rêve, ou la vie et la mort, bas savoir. Ce sont des pensées qui viennent d'on ne sait où, et qu'on ne peut pas maîtriser. Eh bien, ce matin, j'ai eu un épisode comme ça, devant Josie. Tout à coup, j'ai eu le sentiment que des histoires de gamines déguisées, j'en avais déjà vécu. Ah bon ? Ouais. Et tout à l'heure, dans la voiture, tout en conduisant, je suis remonté dans mes connexions neuroniques. J'avais l'impression de gravir une montagne à main nue. Et alors ? Alors j'ai trouvé ! Je me souviens qu'alors que je préparais le concours, il y avait eu des histoires analogues dans les Basses-Alpes. Des filles s'étaient retrouvées dans des endroits qu'elles ne connaissaient pas et habillées avec des vêtements qui ne leur appartenaient pas. Impossible de se souvenir ce qui leur était arrivé. C'était donc un peu pareil que notre affaire, les meurtres mis à part. Exact. Cela remontait à presque 10 ans. Et tu crois qu'il y aura un lien avec les meurtres d'aujourd'hui sans Kim Michaud? Il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas le cas. Mais enfin, ça a fait tilt dans ma tête. De retour au central, des nouvelles et des messages d'appel attendaient les deux hommes. Volpi eut la satisfaction de trouver les commissions rogatoires pour Valentin Le Merlan, qu'on appellerait peut-être dans quelque temps le maquilleur fou. Charles avait fait parvenir son rapport d'autopsie de la petite Josie, mais il demandait à Volpi de l'appeler. Il avait du tout frais, terme amusant de la bouche d'un habitué des Maccabées et de la putréfaction. Le rapport montrait que Josie était morte selon le même modus operandi que la petite Marie, très certainement. Même produit, même piqûre, même emplacement. La tante a tiqué sur les vêtements de Josie. Elle ne lui connaissait pas cette robe. Et n'avait jamais vu le soutien-gorge et la culotte que portait Josie. Pas d'attouchement non plus, mais cette fois le maquillage était totalement absent. Cela voulait-il dire que l'assassin avait été perturbé ou avait manqué de temps? Bizarre, car quand quelqu'un est mort, on a tout son temps pour faire ce qu'on a à faire, à moins que l'on aime que la chair chaude. Bon, conclut Volpi. Voyons maintenant ce qu'a donné la filature de Valentin. Prenant connaissance du rapport succinct, Volpi tapa sur son bureau du plat de la main. Punaise, sur une filature, tu vas mettre juste l'Antoine, que sur le cours Mirabeau, on le remarque plus que la statue du roi René. Il est bon pour les travaux de force, ce mec, pas pour les finasseries. Seul avec Volpi, Michaud n'était pas prêt à se laisser faire. Écoute, tu commences à me les gonfler, patron. L'Antoine est souple, et dans une voiture, on ne le remarque pas plus que toi. En plus, il est intelligent et n'a pas qu'une cacahuète dans le crâne, comme tu le dis à chaque fois. Arrête de catégoriser les gens de cette façon, les grands avec un crâne vide, les petits vicieux comme des rats, les gros poussifs et ainsi de suite. Et toi, tu sais ce que t'es avec tes Santiago, t'es un rigolo, voilà. Ouh là là, monsieur s'énerve, calmos, je me suis trompé et tu as raison. Ça te va comme ça? Michaud ne répondit pas, mais il regrettait sa colère déplacée. Quant à Volpi, il tenait par-dessus tout à l'amitié et à la bonne entente avec Serge. Sans lui, il aurait peut-être déjà quitté la police. Bon, alors voyons ce que nous dit l'estimable L'Antoine. Le nommé Valentin menait une vie rangée. À 8h30, il sortait de chez lui et montait dans sa voiture qu'il garait boulevard Aristide Briand ou boulevard Pasteur. 9h, ouverture du salon de coiffure, rue Jacques de la Roque. 12h30, pause d'une demi-heure au bar voisin. 18h45, fermeture du salon et après rangement et nettoyage, retour à la maison après 2 ou 3 courses dans la rue Jacques-de-la-Roque. Valentin habitait le rez-de-chaussée d'une petite maison à l'entrée de Puy Ricard. De retour chez lui, petit grignotage et télévision. Extinction des feux vers 10h30, 11h. « Ouais, remarqua Volpi, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Pas étonnant que de temps en temps il s'éclate complètement. « Bien, continua-t-il, voyons maintenant ses antécédents. » Natif de Castellane où il réside jusqu'à 20 ans. Tiens donc. C'est tout à l'heure que je te parlais des Basses-Alpes, non? Le faisceau de présomption se resserre, Gary. Pour le reste, on ne connaissait pas de liaison à Valentin qui donnait l'impression d'être de la jaquette, mais qui n'en était pas. Son attitude ambiguë ne servant qu'à mettre les clientes en confiance pour être plus à l'aise avec un homme. Je me fonds au milieu d'elle, disait Valentin. Bien, Serge. Pour l'instant, rien ne s'oppose à ce que ce soit lui le coupable. Nous verrons ce que donne la perquise. Tu m'organises ça, hein ? Dès qu'il est arrivé chez lui, on fonce. Pendant qu'on s'occupe de son logement, deux hommes iront garer sa voiture devant le roi René et interroger le client anglais. Au fait, il est toujours là, celui-là ? Oui, t'inquiète. Je l'ai même prévenu d'avoir à être présent dans sa chambre en début de soirée et de n'en informer personne. Il en était tout excité. Eh bien voilà, je crois que tout est calé. N'oublie pas que Charles a demandé que tu le rappelles. Volpi s'exécuta sur le champ. Allô ? Ah, Volpi, vous avez mis le temps. Je fais ce que je peux, Toubib. Alors ? Du tout frais, paraît-il ? Il n'y a que vous pour parler de fraîcheur avec des cadavres. Première chose, pour faire la queue de cheval à la petite Josie, votre assassin a utilisé un élastique, un chouchou, comme elles disent, qui avait déjà servi. J'ai trouvé entortillé dedans deux cheveux très longs d'une trentaine de centimètres qui, de toute évidence, n'appartenaient pas à la victime. Quelle couleur, ces cheveux ? Acajou foncé. Mais pour moi, il s'agit d'une teinture. Si le suspect vient le coiffeur, c'est peut-être les cheveux d'une cliente. Mais comment savez-vous qu'il y a un coiffeur suspect ? Il n'y a pas que les morts qui parlent, Volpi. Repartit Charles dans un grand rire. Mais moi, je sais me taire. Volpi laissa un blanc dans la conversation pour deviner d'où pouvait provenir la fuite. Et pour le reste, Toubib, je vais réexaminer le cadavre de l'Italien. Je l'ai fait un peu à la va-vite la première fois, mais j'ai l'intuition qu'il ne nous a pas tout dit. J'aurai le temps avant qu'on l'emmène. Le rapatriement du corps est prévu demain, je crois bien. Oula, alors je me grouille. Allez, ciao, commissaire. Depuis quelque temps, j'ai eu du mal à travailler. D'abord, j'ai mal dans les bras et dans le dos, et je ne sais plus dans quelle position me mettre pour me détendre. En fait, ce n'est pas que la carcasse qui est tendue, le cerveau l'est aussi, et influe certainement sur mon physique. Ce connard d'Anatole n'est pas mort, finalement. Mais d'après ce que j'ai appris, il y a peu d'espoir qu'il sorte un jour de son état de légume. N'empêche, Anatole n'a pas eu de bol. Il aurait mieux valu qu'il meure. Encore un acte manqué pour moi. Rien ne va en ce moment. Mon gourou n'avait pas prévu cette situation d'échec. Mon gourou, tout bien considéré, celui-là était aussi un connard comme les autres. J'étais bien crédule de gober toutes les conneries qu'il racontait. D'ailleurs, avec le recul, c'est sûr que le maître, tu parles d'un maître, avait inventé tous ces aphorismes qu'il distillait à tout bout de champ. J'ai le dos en compote. Je vais m'allonger, les bras le long du corps et fermer les yeux en ralentissant ma respiration. Voilà comment j'aimerais mourir, doucement, sans douleur. Mais pour l'instant, la curiosité me tenaille encore et me tient au bord du précipice qui m'attire. Dès que la déesse de Valentin fut entrée dans le jardinet devant la maison, Volpi et ses hommes investirent les lieux. Valentin fut extrêmement déboussolé par l'irruption des policiers. Il prit toutefois le temps de jeter un coup d'œil aux commissions rogatoires, mais visiblement, son visage était décomposé et reflétait l'incompréhension, l'inquiétude, voire la déception. « Mais qu'est-ce qui vous prend, commissaire ? Vous vous trompez d'adresse ? Et pour quelle raison, cette perquisition ?»« Dans le cadre de l'enquête sur les crimes des jeunes filles, » répondit laconiquement Volpi. « Mais je n'ai rien à voir avec ça, moi. Nous pensons le contraire. Quelques indices nous prouvent que vous y êtes mêlés. Mais ce n'est pas possible, commissaire, pas possible. » Néanmoins, Valentin suivit les policiers dans leur travail. La télévision se trouvait dans la cuisine sur une desserte et un transat était déplié devant avec un gros coussin. Valentin avait posé des paquets sur la table et allait se préparer à manger. De toute évidence, la cuisine était sa pièce à vivre. La salle à manger-salon était bien rangée et ne devait servir que lorsque Valentin avait des visiteurs de marque. La salle à manger-salon était bien rangée et ne devait servir que lorsque Valentin avait des visiteurs de marque. La chambre était en ordre et malgré tous leurs efforts, les policiers n'y découvrirent aucun effet féminin. En revanche, une vaste penderie regorgeait de chemises bariolées, à jabots et de pantalons de couleur incongrue. Sur une commode était posée une valise de cuir et deux vanity cases de bonne facture. « Ce sont mes outils de travail !» prévint Valentin comme si on allait y mettre le feu. « Ah ben voilà !» s'exclama Volpi. « Ça, c'est intéressant !» La valise de cuir contenait un séchoir à cheveux, des bigoudis de toute taille, des trousses de ciseaux et rasoirs divers, des boîtes contenant des peignes différents, de gros plumeaux, des pinces de formes variées, sans oublier un miroir. Le premier magnétiquise, plus haut que le second, renfermait des flacons de laque, des bouteilles de produits à teinture, des baumes et autres pommades, des gants de caoutchouc jetables. Enfin, la dernière balisette contenait tous les produits nécessaires à réaliser un maquillage complet. Eyeliner, fard, poudre, paillettes, crayons, pinceaux de tout poil et de toute taille, lait démaquillant, vernis à ongles de toute teinte. Vous allez me dire qu'il vous arrive de travailler à domicile, évidemment, affirma Volpi. Mais oui, je coiffe mes clients dans le salon, mais j'ai aussi des rendez-vous au domicile des clientes. Le dimanche, n'est-ce pas? Ou alors le lundi, jour de fermeture? Exactement. Mais je ne vois pas ce que ça a de répréhensible. Peut-être le fait que ces gains ne passent pas en comptabilité. Je remettrai ma tête à couper, rétorqua Volpi. Oui, bon, mais ce n'est pas la mort d'un homme, tout de même. Non, pas la mort d'un homme, mais de deux femmes, se masse. Pendant ce temps, l'Antoine, accompagné d'un gardien, avait emprunté la déesse de Valentin pour aller au roi René, pour la montrer au client anglais. Si le témoignage était concluant, l'Antoine avait l'ordre de passer la voiture au peigne fin. Entendant des voix dans son jardin, la propriétaire du dessus descendit aux nouvelles. Sans ménagement, la vieille femme attrapa Volpi par le bras et le secoua. « Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous, Boudiou ? Valentin, c'est ni un voleur ni un assassin, vous êtes complètement fada, vous ! « Écoutez-moi, vous !» gronda Volpi en se débarrassant violemment de la main de la vieille. « Vous allez remonter dardard chez vous et non plus bouger. Sinon, je vous embarque avec lui, compris ?»« Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est suspecté d'avoir assassiné deux jeunes filles, rien que ça. »« Mais c'est l'homme le plus gentil du monde, c'est pas possible !» Après un tour dans le jardin, l'équipe monta au premier dans le logement de la vieille pour faire bonne mesure. Après tout, Valentin avait peut-être planté des indices chez sa voisine. Mais la visite fut totalement infructueuse et la propriétaire fut ribarde. « Allez !» conclut Volpi en enlevant ses gants. « On l'embarque avec toutes les valises !» Valentin avait perdu de sa désinvolture et de son aisance. « Il fait peine à boire !» remarqua Michaud. Le juge Cassard fut immédiatement informé du résultat de la perquisition. « Commencez à le cuisiner » dit-il à Volpi. Quant au client anglais, il reconnut formellement la déesse de Valentin. « Vous voyez les feux en haut ?» Par en bas, j'avais bien vu. La garde à vue de Valentin commença. Michaud demanda d'abord au prévenu de lui rappeler ses antécédents. Il était né à Castellane, dans les Basses-Alpes, en 1930. Ses parents étaient des petits commerçants et il était le dernier né d'une famille de 5 enfants, dont 4 filles. Très tôt, ses jouets furent ceux de ses sœurs, dont l'aînée s'occupa de lui pendant que la mère était derrière son comptoir. Ceci expliquait peut-être son penchant pour les poupées et les déguisements féminins, en même temps que son goût pour la coiffure et le maquillage. Par ailleurs, ses sœurs n'ayant aucune pudeur devant lui, l'anatomie et la psychologie féminine n'eurent bientôt plus de secrets pour lui. Raison pour laquelle, très certainement, les relations avec des femmes lui étaient si faciles. Lorsqu'on attaqua les agressions des filles proprement dites, Valentin sortit de sa réserve et nia farouchement tout en bloc. « Que faisiez-vous la soirée où la petite Marie a disparu ? Essayez de vous souvenir, c'était un mercredi. » Devant le mutisme de Valentin, Volpi poursuivit. « Écoutez, avec la vie que vous menez, quand vous faites quelque chose d'inhabituel, vous devez vous en souvenir, non ?»« Eh bien justement, je ne m'en souviens pas. C'est donc que je n'ai rien fait d'inhabituel ce jour-là. »« Méfiez-vous. Votre propriétaire se rappellera peut-être si vous étiez chez elle ce soir-là. Et à quelle heure vous êtes rentré ?»« Possible. » « Eh bien, demandez-le-lui. »« Valentin, vous m'avez l'air d'un brave garçon, et je crois que les morts des deux filles ne sont en fait que des accidents malheureux. Vous ne vouliez pas leur mort. Vous vouliez juste vous amuser avec elles, comme vous vous amusiez étant petit avec les poupées de vos sœurs. Ou peut-être avec vos sœurs elles-mêmes. Mais nom de Dieu, je n'ai pas besoin de gamines pour m'amuser. J'ai plusieurs maîtresses, si vous voulez le savoir, et je les rencontre le dimanche en général. » Ce sont des femmes d'âge mûr, intelligentes, cultivées. Je l'ai vue, la petite Marie, allongée au bord de la route. Ça m'a fait de la peine pour elle, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire avec des petites comme ça ? La traite de la chair fraîche, suggère Michaud. Justement, je n'aime pas. Ces gamines n'ont pas besoin d'être maquillées. La jeunesse leur suffit. Bon, coupa Volpi, continue à faire la tête de bois. De toute façon, les relevés d'empreintes vous accableront certainement. J'en serais bien étonné, commissaire. Après avoir appelé un gardien, Volpi sortit du bureau et fit signe à Michaud de le suivre. « Il ne se défend pas si mal que ça, le Merlan. Qu'est-ce qu'on a finalement ? La voiture, dont j'attends beaucoup, et peut-être les empreintes sur la fiole d'anesthésique et sur la seringue. Pour le reste, s'il persévère, le juge Cassard n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. » La gigantesque silhouette de l'Antoine se profila au bout du couloir. De loin, il tendit la main, le pouce en l'air avec un large sourire. « L'anglais a été formel, c'est bien cette voiture qu'il a vue. Allez, Michaud, on y retourne. Cette fois, il va peut-être lâcher le morceau. » Devant le bureau, Valentin était tête baissée, les bras entre les jambes, les épaules voûtées. Lorsque les policiers entrèrent, il ne bougea pas d'un poil, comme s'il était ailleurs, refusant la situation dans laquelle il se trouvait. « Bon, monsieur Mas, vous avez l'air accablé. Je suis désolé, mais j'ai encore de mauvaises nouvelles pour vous. » Un témoin digne de foi aperçut la petite Marie monter dans un véhicule le soir de sa disparition devant l'entrée de l'hôtel du roi René. C'est là qu'elle travaillait. Or, ce même témoin a formellement reconnu la voiture dans laquelle elle était montée. « C'est la vôtre, monsieur Mas. Il n'y a pas d'erreur possible, grâce ou à cause des clignotants de toit qui s'allument à la place des feux de position arrière. L'originalité n'a pas que des avantages. » Volpi laissa une seconde à Valentin pour digérer cette info. Il redressa la tête, mais son regard resta fixé sur le mur d'en face. « Alors, bien sûr, nous racontons n'importe quoi ?»« Je n'ai pas dit ça. Ma voiture y était peut-être, mais pas moi. »« Tiens donc, cette voiture est vraiment originale. Voilà-t-il pas qu'elle se déplace toute seule maintenant ? Comment expliquez-vous cela ?»« Je ne l'explique pas. » « Dites, s'énerva l'Antoine, revenu du rez-de-chaussée, vous nous prenez vraiment pour des billes ? Ça va mal aller pour vous, » dit-il en l'attrapant par le bras. « Vous avez prêté votre voiture à quelqu'un ? Je ne m'en souviens pas. » « Alors on vous l'a momentanément volée, peut-être. » Volpi se mit à tourner dans la pièce selon son habitude. « Écoutez les enfants, on ne va pas se mettre la rate au courbouillon pour un minus pareil. Nous, on a tout notre temps. Allez, en cellule, en général, ça fait du bien. » Une fois le prévenu amené par deux gardiens, chacun avait besoin de faire le point sur le précédent interrogatoire. « Je savais bien que ça ne se résoudrait pas facilement, » dit Volpi, « mais ce type n'est pas aussi farfelu qu'on le croit. » Si réellement, ce n'est pas lui qui conduisait la voiture, il cherche à couvrir celui à qui il l'a prêtée, car je ne crois pas une seconde qu'on la lui ait volée. « Bon, les enfants, nous allons le laisser mariner pendant une nuit, et demain sera un autre jour, comme disait Kipling. » Avant que tout cela ne finisse, car tout a une fin, et mon intuition me dit qu'elle approche. Je voudrais bien réaliser mon dernier rêve, transformer Magali, la fille Ginou. C'est déjà une femme bien formée, je l'ai bien observée à la dérobée. Elle a un corps absolument parfait. Des jambes longues, bien musclées, sans excès, de jolis pieds, des fesses hautes et bien formées, une taille fine sur des hanches bien dessinées, une poitrine fière et galbée. Son visage aux traits réguliers et fins ne demande qu'à être rehaussé pour que toute la subtile beauté s'en exhale. Je crois qu'avec elle, il va falloir agir autrement qu'à l'accoutumée. De toute façon, je n'ai plus de produit pour l'endormir. Je pense qu'elle est assez intelligente pour que je procède par petites étapes, pour l'amener progressivement à changer de psychologie et d'aspect. Je procéderai par petites touches. Un petit conseil par-ci, un petit essayage par-là. Je lui prêterai des dessous, sans lui dire que je les ai achetés spécialement pour elle. Ils lui iront à ravir, quelle chance! Petit à petit, elle prendra goût à la belle lingerie, aux vêtements qui tombent bien et qui la mettront en valeur. Elle ne pourra pas refuser la nouvelle Magali qu'elle découvrira dans le miroir. Je lui ferai rencontrer les gens qui lui renverront une image gratifiante d'elle-même. Elle finira par ne plus pouvoir se passer de moi et je pourrai l'aimer à ma guise, sans qu'elle s'en offusque. Je serai son Pygmalion librement accepté. En fait, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Mais je n'ai jamais eu la patience d'attendre que mes sujets se transforment lentement sous mon influence. Les jeunes sont versatiles, inconstantes, et il faut brusquer les choses. Magali est mûre, et elle ne reviendra pas sur ses décisions si elle me donne sa confiance. Et si elle refuse tout en bloc, mettrai-je fin à des années de quête du plaisir sur un échec. Le lendemain, dès 8 heures, tout le monde était sur le pont. Volpi avait fait venir du central à la brasserie voisine des cafés et des croissants. Les gardiens amenèrent Valentin qui, visiblement, n'avait pas passé une bonne nuit. Le cheveu en bataille, la chemise froissée, le pantalon en tire-bouchon. Ce matin, vous ressembliez vraiment à un rocker, Valentin. Il faut un peu de désordre dans la vêture, quelques mèches rebelles. C'est ça la vraie classe, plaisanta Volpi. Valentin eut droit à un petit-déj complet en compagnie de l'équipe. Avant de passer éventuellement à une séance de secouage méthodique, Volpi tentait ce matin la manière douce. Il attaqua la conversation par des propos en apparence anodins. « Vous êtes de Castellane. Vous vous souvenez de l'affaire des poupées des Basses-Alpes ? Ça remonte à une vingtaine d'années tout de même. À l'époque, ça avait fait du bruit. » « Oui, vaguement, » répondit Valentin. « J'étais bien jeune à cette époque, et je me souviens surtout des conversations en famille. » « Vous ne trouvez pas qu'il y a des similitudes troublantes avec les morts des deux jeunes filles ?»« L'assassin est quelqu'un qui s'est certainement inspiré de ces affaires-là. »« C'est possible, » remarqua Valentin en avalant en croissant. « Sauf que dans les Basses-Alpes, d'après ce que je sais, les jeunes filles n'étaient pas mortes. »« Alors, vous ne vous souvenez toujours pas de votre emploi du temps de cette soirée du mercredi ?»« Je vous ai déjà dit que non. Pourtant, à vous croire, votre voiture a disparu pendant la soirée. » Mais elle repart le lendemain pour que vous puissiez partir au travail. C'est bizarre, non? D'autant que vous la garez pratiquement juste sous la fenêtre de votre cuisine. Ma foi, répondit Valentin d'un ton évasif. Un gardien passa la tête dans le bureau. Excusez, commissaire. Vous avez reçu les rapports du labo. Je vous les donne ou... On arrive, le coupa Volpi. Prenez quelqu'un d'autre et venez garder le prévenu. Il se rendit dans le bureau voisin, suivi de Michaud et l'Antoine, puis prit connaissance des rapports du labo. « Ah, écoutez bien. Dans la voiture, outre les empreintes de Valentin, on a trouvé une autre série sur le volant, le levier de vitesse et les poignées intérieures de porte et... ce sont les mêmes empreintes que celles relevées sur le flacon d'anesthésique et la seringue. » Donc, jubila Michaud, on est au moins certain que la voiture a été conduite par celui qui a piqué l'infirmier. Et, termina l'Antoine, comme le produit était le même que celui utilisé sur les filles, c'est donc bien le meurtrier qui a conduit cette déesse. Attendez, les enfants, c'est pas fini. Les gars du labo ont trouvé 4 longs cheveux sur le dossier du conducteur. Je vais leur demander de les comparer avec ceux qu'a découvert Charlie sur le chouchou de Josie. Je vous parie une bourriche d'huîtres que ce sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? En attendant, si on allait secouer un peu notre Merlan? Demanda l'Antoine avec un sourire gourmand. T'as raison, Léon. Mais on lui pose d'abord les questions et on secoue après, compris. L'équipe repassa dans le bureau où Valentin se morfondait entre les deux gardiens silencieux qui avaient l'air de s'enquiquiner ferme. « Allez, on vous rend votre liberté, » claironna Volpi. Valentin se leva aussitôt. « Non, monsieur Mas, vous restez. Je m'adressais aux deux gardiens. Nous allons continuer à tailler une bavette, gentiment. » Ce disant, Volpi se laissa tomber sans ménagement dans son fauteuil roulant. « Monsieur Mas, nous avons la confirmation que votre voiture a été bien conduite par l'assassin des deux filles. Nous pensons également que vous n'êtes pas l'auteur de ces deux meurtres. Nous excluons également l'hypothèse du vol de votre véhicule. Puisque vous ne voulez pas parler, je vais vous déférer devant le juge Cassard, avec lequel vous vous débrouillerez. Le reste le concerne. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Valentin avec un léger tremblement dans la voix. « Ça veut dire qu'il y a de fortes charges contre vous. » Tout au moins pour complicité d'assassinat, et que vous êtes mis en examen. Si vous connaissez un avocat, autant le prévenir tout de suite, à moins que vous ne vous décidiez à parler. Je ne peux pas parler, lâcha Valentin, sinon je l'aurais déjà fait. Vous craignez que l'assassin s'en prenne à vous, c'est ça? Vous n'avez pas à avoir peur, tant que vous êtes parmi nous. Ensuite, lorsque vous sortirez, l'assassin sera sous les verrous, et vous n'aurez de nouveau rien à craindre pendant un bon nombre d'années. Volpi n'eut pas de réponse, et il sentit bien que Valentin allait faire sa tête de lard toute la journée, si rien ne venait débloquer la situation. Le téléphone se mit à sonner furieusement, faisant sursauter Valentin. Volpi se détourna pour pouvoir parler discrètement. « Allô ? Ah, Charles, vous avez du nouveau ? Quoi ? C'est pas possible ? Ouais. Eh ben, j'ai bien fait de jeter un dernier coup d'œil au maçon italien. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert dans l'une des griffures qu'il avait dans le dos. » Une minuscule écaille de vernis à ongles. Oui, du vernis à ongles carmin, je suis formel. Alors il n'y a que deux hypothèses. Soit votre maçon a passé une nuit de folie avec une tigresse qui l'a ravagée, soit l'agresseur avait les ongles vernis. Et il y a toutes les chances que ce soit une femme. Logique, répondit Volpi. Et la présence de cheveux longs devient cohérente. Ainsi que le peu de méfiance éprouvée par les victimes à l'égard de l'agresseur. « Charles, vous avez fait du bon boulot et cette fois je ne vous dis pas ça pour vous passer la brosse. Je vous tiens au courant de la suite. Ciao !» Dans la foulée, Volpi passa un coup de fil au juge Cassard pour lui annoncer cette nouvelle d'importance. Le magistrat se montra très satisfait. « Vous l'avez appris à Valentin ?»« Non, pas encore. »« Alors annoncez-le-lui, et voyez si vous pouvez en tirer quelque chose. Vous ne me le présenterez qu'après. » En raccrochant, Volpi se retourna et rangea quelques papiers devant lui nonchalamment. En réalité, son cerveau était en ébullition. D'accord, l'assassin était très probablement une femme, mais si Valentin ne voulait rien dire, comment identifier cette femme parmi toutes celles que compte X ? Une cliente de Valentin ? Une amante ? Une amie ? Apparemment, ce qu'on savait du modus vivendi de Valentin ne rendrait pas la tâche facile s'il n'y avait pas d'autres indices.